إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Nous allons poursuivre l'étude de l'épître, les causes permettant de patienter face au mal des gens, de l'éminent savant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes arrivés à sa parole, rahmahullah, la troisième. Que le serviteur sache la bonne récompense qu'Allah a promise à celui qui pardonne et patiente. Comme la parole d'Allah, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Le mal commis a pour rétribution un mal égal. Mais quiconque pardonne et réforme, sa rétribution incombe à Allah, car Allah n'aime pas les transgresseurs. En effet, Allah Azza wa Jal a permis aux croyants de rendre le mal qu'on leur a fait par un mal équivalent. Par exemple, si quelqu'un dit de toi que tu es un menteur, il est permis de lui rendre l'appareil. De même, si on te gifle, il est permis de rendre l'appareil. Cependant, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a une chose meilleure pour nous. Si on pardonne et réforme, notre rétribution incombe à lui. Si une personne que tu aimes et que tu considères digne de confiance te dit: ne fais pas telle chose car j'ai mieux pour toi. Que vas-tu faire? Sans aucun doute, tu vas l'écouter. Car tu sais pertinemment qu'il a mieux à t'offrir. Il est donc dans ton intérêt de patienter et de ne pas faire ce que tu envisages de faire. Alors que dire si celui qui te dit cela est Allah, ton créateur, celui qui t'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits? Nous avons la possibilité de rendre le mal par un mal équivalent. Mais si nous pardonnons et réformons, Allah a prévu une grande récompense pour nous. Les savants nous disent que dans le verset que l'auteur a cité précédemment, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Le mal commis a pour rétribution un mal égal, mais quiconque pardonne et réforme, sa rétribution incombe à Allah, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné le type de récompense. Il l'a gardé secret, ce qui indique la grandeur de cette récompense. Il en est de même pour le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et ceux qui patientent obtiendront leur pleine récompense sans compter. C'est pour cela que le diable n'a rien à gagner à ce que tu pardonnes à ton frère et que tu fasses les causes pour améliorer vos relations. De ce fait, il va toujours pousser le serviteur à la vengeance ou à ne pas pardonner en lui disant: ne lui pardonne pas car c'est un signe de faiblesse, ou encore: c'est trop facile de lui pardonner. Et puis quoi? Tu lui pardonnes et on oublie tout? Subhanallah, Le diable utilise souvent ce genre de procédé pour détourner le serviteur du pardon et de l'indulgence, surtout avec la femme, lorsqu'elle est en conflit avec son époux. Il profite de sa faiblesse et de son émotivité pour lui faire croire que le pardon et la réconciliation sont des signes de faiblesse. Lorsque l'époux cause du tort à son épouse, elle peut parfois être rancunière, malgré qu'il lui demande pardon et qu'il regrette son geste. C'est souvent le diable qui joue avec elle. Et dans cette situation, certains iront même jusqu'à dire « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Cela est blâmable. Surtout lorsqu'on sait qu'Allah Azzawajal a fait l'éloge de la réconciliation. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet « Wa sulhu khayr » et la réconciliation est meilleure. L'éminent savant, Al-Sheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, a dit concernant la parole « Je pardonne mais je n'oublie pas ». Il dit, Hafidhahullah, si tu as vraiment cherché la réconciliation et que tu as pardonné, il n'est pas nécessaire de te montrer injuste envers ton frère en disant cette expression « Je n'oublie pas ». Ceci est une injustice de ta part envers lui et indique que tu ne lui as toujours pas pardonné. Ce genre de choses, qu'Allah te bénisse, blesse et suscite du ressentiment chez les gens. Cela laisse un sentiment de rancune en eux. Fin de citation. Et lorsqu'on regarde le comportement des prophètes, on remarque qu'ils ne se comportaient pas de cette manière. Prenons l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam. Malgré que ses frères lui aient causé du tort en l'éloignant de ses parents, en le vendant à vil prix et autres, il leur a pardonné après qu'ils aient reconnu leurs erreurs. Allah dit à ce sujet, « قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » Ils dirent, « Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous étions fautifs. » Il dit, « Aucune reproche ne vous sera fait en ce jour. Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. » Et ce n'est pas tout. Youssouf alayhi salam imputa au diable la division entre lui et ses frères. Allah dit à ce sujet, مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Après que le diable a suscité la discorde entre mes frères et moi. L'éminent savant, Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé « Les leçons tirées de la sourate Yusuf », il dit, je cite, on peut observer comment par le bienfait d'Allah, Youssouf alayhi salam fut capable de pardonner à ses frères aussi généreusement, et comment il les pardonna pour ce qui précéda, et qu'il leur promit qu'il ne les critiquerait pas et n'y ferait plus allusion dans le futur, car ceci les blesserait et les attristerait, alors qu'ils avaient déjà fait part de leurs profonds regrets par rapport à ce qu'ils avaient fait. C'est pour cela que Youssouf alayhi salam dit « Min ba'di an nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati » Après que le diable a suscité la discorde entre mes frères et moi. Plutôt que de dire « le diable les a incités », il imputa plutôt cette action au diable, lui qui causa la division entre lui et ses frères. C'est un exemple de courtoisie pure. de masculinité et de générosité. Fin de citation. Ceci est un exemple parmi tant d'autres du comportement éminent des prophètes, parmi lesquels pardonner à ceux qui leur font du tort. Ensuite, il dit, rahmahullah, comme les gens sont de trois types dans la manière de faire face au mal qui leur est fait. Un injuste qui prend plus que son droit, un économe qui prend à la mesure de son droit, et un bon qui pardonne et délaisse son droit. Allah a cité les trois genres dans ce verset. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Le mal commis a pour rétribution un mal égal. Et ceci est l'équité et le juste milieu. Si tu outrepasses les limites, tu tombes dans l'injustice. Malheureusement, dans ce genre de situation, certains utilisent une règle qui provient du diable, qui est « Celui qui te fait du mal en premier est toujours plus injuste. Donc quoi que tu fasses lorsque tu lui rends ce mal, tu ne seras pas injuste envers lui. » Cette règle est caduque. Elle contredit la législation. Il n'est pas permis aux musulmans d'avoir la conviction que cette règle est légitime. Il est triste de constater que certaines règles utilisées par certains musulmans de nos jours n'ont aucun lien avec la législation. Parmi elles, celles que nous venons de citer. Celui qui frappe, celui qui l'a insulté dira « c'est normal, car il m'a insulté. Ce que je fais est légitime. » La femme à qui son mari a fait du tort boycottera parfois son mari et rendra cela légitime. Et il y a bien d'autres exemples. En vérité, soit le serviteur prend la mesure de son droit, soit il pardonne. Il n'y a pas d'autre choix possible religieusement. Ensuite, il dit, rahmahullah, et qu'ils connaissent l'appel de celui qui fait cet appel le jour du jugement dernier. Que se lèvent ceux dont la récompense incombe à Allah. Ne se lèveront que ceux qui auront pardonné et réformé. Si il sait qu'en se vengeant et en cherchant son dû, il perdra sa récompense, il lui sera alors facile de patienter et de pardonner. Subhanallah. Allah rétribuera ceux qui auront patienté, pardonné et réformé d'une immense récompense que seul lui, Azza wa Jal, connaît. Ceci devrait suffire à celui qui veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense pour pardonner à ceux qui lui font du tort. Surtout que l'homme est ambitieux. Par exemple, dans la vie d'ici-bas, il aspire à avoir un bon salaire, à toujours améliorer son entreprise. Il n'accepte pas les pertes. Mais il est triste de constater que pour son au-delà, il manque souvent d'ambition. L'une des causes à cela est ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné à la fin de Sourate Al-A'la lorsqu'il dit بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Allah Azza wa Jal nous incite à préférer l'au-delà à la vie d'ici-bas. En effet, dans certains versets, Allah a mentionné les caractéristiques de ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, ainsi que celles de ceux qui préfèrent l'au-delà à la vie d'ici-bas. Puis, il a mentionné leur fin. Ceci est une habitude dans le Coran. Souvent, lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne les gens du paradis, il mentionne ensuite les gens de l'enfer. Lorsqu'il mentionne les croyants et leurs caractéristiques, il mentionne souvent ensuite les mécréants et leurs caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Zumar, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mafani. Allah a révélé le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Certains savants du tafsir ont dit que le terme mafani désigne un énoncé juxtaposant deux notions opposées. Par exemple, le paradis et l'enfer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Nazi'at, concernant ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, « فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » Quant à celui qui aura transgressé et aura préféré la vie présente. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal mentionne deux choses. La transgression, c'est-à-dire que le serviteur dépasse les limites, et le fait de préférer la vie d'ici-bas. Et à la fin, il a mentionné le refuge de ces personnes. Il dit Azza wa Jal, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors l'enfer sera son refuge. Ceci est une menace pour quiconque réunit ces deux caractéristiques. Celui à qui l'on fait du mal et qui se venge en prenant plus que son droit réunit ces deux caractéristiques. Il va dépasser les limites, car au lieu de prendre la mesure de son droit, il va souvent se venger et outrepasser les limites, car il préfère la vie d'ici-bas à l'au-delà. Au lieu de convoiter l'immense récompense qui se trouve auprès d'Allah, en pardonnant et en réformant, il va souvent préférer se venger pour que les gens disent de lui qu'il ne se laisse pas faire. L'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir de Sourate Nazi'at, nous dit que la transgression et le fait de préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà sont deux caractéristiques des gens de l'enfer et qu'elles sont inséparables. C'est-à-dire que quiconque transgresse a préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Et quiconque préfère la vie d'ici-bas à l'au-delà a transgressé. Allahu Akbar. Prenons donc garde à ces deux caractéristiques des gens de l'enfer. Dans la suite de la sourate, Allah Azza wa Jal mentionne deux caractéristiques des bienheureux dans cette vie et dans l'au-delà. Il dit Azza wa Jal, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Quant à celui qui redoutait de comparaître devant son Seigneur et interdisait à son âme de céder à ses passions. Ainsi, celui qui redoute de comparaître devant Allah Azza wa Jal et qui privilégie l'au-delà à la vie d'ici-bas, qui interdit à son âme de céder aux passions interdites, obtiendra la félicité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah conclut en disant « فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى » Le paradis sera sa destination finale. Il n'y a aucun doute que celui qui pardonne à celui qui lui a fait du tort et qui réforme, convoite cette immense récompense, au contraire de celui qui va se venger en dépassant les limites, lui s'expose à un châtiment. Ton âme t'appelle à dépasser les limites et à préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà en te vengeant et en prenant plus que ton droit, et en rendant cela légitime, tandis que ton Seigneur, Azza wa Jal, t'appelle à craindre sa rencontre, et à combattre ton âme, pour ne pas céder aux passions interdites. À quel appel vas-tu répondre? À quel appel vas-tu répondre? Vas-tu répondre à l'appel de ton Seigneur? Celui qui dit dans son noble livre, Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min malja'in yawma idh wa ma lakum min nakir. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne d'Allah un jour inéluctable. En ce jour, vous n'aurez ni refuge ni cache. Où vas-tu répondre à l'appel de ton âme qui t'appelle au mal? Cette âme au sujet de laquelle Allah a dit « Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi » Certes, l'âme incite fortement au mal, sauf pour ceux que mon Seigneur, par sa miséricorde, préserve. Choisis ton camp et regarde ce qui te sera le plus profitable pour ton au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-An'am, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Lequel des deux parties mérite le plus d'être à l'abri, si vous le savez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans ce qu'il aime et agrée. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la quatrième, qu'il sache que s'il pardonne et se comporte bien, cela aura pour conséquence que son cœur soit sain envers ses frères et pur de toute tricherie, haine, désir de vengeance et de toute mauvaise intention. Il obtiendra tôt ou tard, par la douceur du pardon, un plaisir et un bénéfice qui surpasseront de multiples fois le bénéfice obtenu par la vengeance. Il entrera dans le sens de la parole d'Allah, « Wallahu yuhibbul muhsinin » car Allah aime les bienfaisants. Il devient donc quelqu'un aimé d'Allah, comme celui à qui on a pris un dirham et qui est ensuite dédommagé avec des milliers de dinars. Il éprouvera la plus grande joie possible quant aux bienfaits dont Allah l'a comblé. Lorsqu'on te fait du mal, il y a deux bonnes actions qui se présentent à toi. Il n'y a pas de doute que si le serviteur met en application ce qu'implique le tawhid et donne préséance à ce qu'Allah aime, il choisira toujours ce qu'il y a de plus complet. La première bonne action est le pardon. Elle consiste à pardonner celui qui t'a causé du tort ou t'a fait une injustice. Mais le meilleur et le plus complet est de rajouter à cela la bienfaisance. C'est-à-dire être bienfaisant envers celui qui t'a fait du tort. Donc au lieu de simplement lui pardonner, tu vas en plus être bienfaisant envers lui. C'est là le sens de la parole d'Allah Azzawajal. Idfa billati hiya ahsan. Réponds au mal par ce qui est meilleur. Ainsi, lorsque ces deux bonnes actions se présentent à toi, choisis la meilleure. Dans plusieurs versets, Allah Azzawajal nous ordonne de faire ou de dire ce qu'il y a de meilleur. Il dit par exemple وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَرُ بَيْنَهُمْ. Dis à mes serviteurs d'user des meilleurs propos, car le diable cherche à semer la discorde entre eux. Donc le pardon, accompagné de bienfaisance, est meilleur et plus complet que le simple pardon. Allah Azza wa Jalla a mentionné ces deux éléments dans Surat Ali Imran lorsqu'il a évoqué certaines caractéristiques des pieux. Il dit Azza wa Jalla وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et pardonne à autrui car Allah aime les bienfaisants. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la cinquième, qu'il sache que jamais quelqu'un ne s'est vengé sans que cela ne lui cause un sentiment d'humiliation qu'il éprouve en lui-même. Tandis que s'il pardonne, Allah le rend puissant. Ceci fait partie des choses dont nous a informé le véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Allah n'augmente un serviteur en raison de son pardon qu'en puissance. » La puissance obtenue par le pardon est plus aimée par Allah et est plus bénéfique que la puissance obtenue par la vengeance, car cette dernière est une puissance en apparence, mais en réalité, elle cause une humiliation intérieurement, tandis que le pardon peut sembler une humiliation extérieurement, mais il est la cause de la puissance intérieurement et extérieurement. Allah élève en degré le serviteur qui pardonne et l'augmente en puissance. Lorsqu'on lui fait du mal et qu'il ne se venge pas, ni ne prend pas son droit, celui qui lui a fait du mal va se remettre en question. Et ceci est une chose connue. Même lorsqu'une personne a une certaine autorité ou qu'elle est connue pour faire du tort aux gens, si tu lui pardonnes, elle regrettera son geste. Notre cher Mustapha Nabram, qu'Allah le préserve, nous avait raconté une anecdote concernant ce sujet. Il disait qu'un jour, il a dirigé la prière dans une mosquée car il n'y avait personne pour diriger la prière. Après la prière, l'homme le plus âgé parmi les fidèles se leva et se mit à l'insulter et à le dénigrer. Le cheikh ne lui répondit pas. Il baissa la tête et fit ses afkar. Il fit comme s'il n'était pas là. Cet événement se passa lors de la prière du Dhuhr. Après la prière de l'Asr, alors que le cheikh était assis dans un coin de la mosquée, l'homme s'assit auprès de lui et se mit à pleurer. Il regretta son geste et présenta ses excuses au cheikh, pleurant abondamment. Et le cheikh, hafidhahullah, fit preuve de douceur à son égard. Il lui dit qu'il n'avait rien fait. Il lui trouva des excuses. Ceci est un exemple qui montre que lorsque tu pardonnes à une personne et que tu ne lui rends pas le mal par le mal, ceci est plus propice à ce qu'elle se rende compte de son erreur. Ton bon comportement va le faire réfléchir. Il regrettera son geste et en aura mal. Alors que si tu te venges, il est fort probable qu'il ne regrette pas son geste. La meilleure réponse est de faire comme s'il ne s'était rien passé. Si une personne t'insulte, fais comme si tu n'avais rien entendu. L'imam al-Shafi'i dit à ce sujet, « إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ » Ne réponds pas aux stupides qui parlent, car le silence est la meilleure réponse à lui donner. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet important. Certains parents vont se venger et prendre plus que leurs droits lorsqu'on leur cause du tort. Et ils vont éduquer leurs enfants dans ce sens. S'ils sont au volant avec leur enfant et que quelqu'un leur cause du tort, ils feront tout pour se venger. Ils diront à leur enfant que dans la vie, il ne faut pas se laisser faire. Lorsque l'enfant grandira et qu'on lui causera du tort, il l'incitera à se venger. Et ceci est une mauvaise éducation qui n'a aucun lien avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les parents doivent montrer le bon exemple à leurs enfants dès le plus jeune âge. Ils doivent leur inculquer certaines valeurs, telles que le pardon, l'indulgence, le partage et autres. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la sixième, et cela fait partie des bénéfices les plus importants, qu'il sache que la récompense est du type de l'action, et qu'il est lui-même un pécheur injuste, et que ceux qui pardonnent aux gens, Allah leur pardonne. Donc s'il sait que son pardon, sa clémence et sa bonté envers eux, alors qu'ils lui font du mal, seront la cause qu'Allah le récompense également d'une récompense de type de l'action, qu'il lui pardonne et lui accorde sa clémence, il lui sera alors facile de patienter, de pardonner. Ce bénéfice seul suffit à celui qui est doué de raison. Ce que l'auteur mentionne, un lien direct avec la croyance et plus particulièrement avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. En effet, le serviteur doit méditer sur les noms et attributs d'Allah ainsi que sur leur sens et leur impact sur les serviteurs. Par exemple, parmi les noms d'Allah, on retrouve Al-Afou, l'indulgent. Il efface les péchés, les absout et ne châtie pas le serviteur alors qu'il le mériterait. Ceci doit pousser le serviteur à être indulgent avec les autres. Et plus le serviteur s'habitue à être indulgent avec les autres, plus Allah sera indulgent envers lui. Allah est El-Ghaffar, le pardonneur. Il dissimule les péchés, ne les divulgue pas et ne châtie pas celui qui les commet. Donc le serviteur qui pardonne aux autres, Allah lui pardonnera. Allah est Ar-Rahman, le miséricordieux. Son immense miséricorde touche toutes les créatures. Le serviteur qui est miséricordieux, Allah Azza wa Jal lui fera miséricorde. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mettaient en pratique ce que nous venons d'entendre. Prenons l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, dans l'histoire de la calomnie. Cette histoire a secoué Médine pendant un mois. À cette époque, Aïcha radiallahu anha n'avait que 12 ans. Elle pleurait tous les jours. Imaginez-vous, un père de famille dont on accuse la fille d'adultère et qui voit sa fille pleurer tous les jours. Sa fille, la prunelle de ses yeux. Malgré cela, Abu Bakr radiallahu anhu était imperturbable et faisait preuve d'une patience déconcertante. Lorsque l'innocence de Aïcha radiallahu anhu fut révélée, Abu Bakr apprit que son cousin maternel, Misbah, faisait partie de ceux qui avaient calomnié Aïcha. Abu Bakr Siddiq subvenait aux besoins de Misbah, car il était très pauvre et n'avait aucune ressource en dehors de ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu lui donnait. Il n'avait aucune ressource. Lorsque Abu Bakr apprit qu'il faisait partie de ceux qui avaient calomnié Aïcha, il jura de ne plus subvenir à ses besoins. Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset 22 de Sourate An-Nour. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent sur le sentier d'Allah, qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Allah est pardonneur et miséricordieux. Après la révélation de ce verset, Abu Bakr al-Siddiq jura de ne jamais cesser de subvenir aux besoins de Mistah. Il fit cela pour qu'Allah lui pardonne. Le croyant doit patienter et faire preuve d'indulgence, car il aime qu'Allah lui pardonne et soit indulgent. De plus, il n'aimerait pas être la cause du châtiment de son frère. L'imam Ahmed rahimahullah disait: pardonne à ton frère. En quoi te profitera-t-il que ton frère musulman soit châtié par ta cause? Allahu Akbar. Ensuite, l'auteur nous dit rahimahullah, la septième, qu'il sache que s'il s'occupe à se venger et à chercher la confrontation, il perdra son temps, son cœur sera éparpillé et il manquera des bienfaits qu'il ne pourra pas rattraper. Et peut-être que cela est plus grave pour lui que la calamité qu'il a touchée venant d'eux. S'il pardonne et est clément, il aura alors libéré son cœur et son corps pour ce qui lui est bénéfique et est plus important pour lui que la vengeance. Cela car si l'âme est préoccupée par le bien, elle s'écartera de ce qui est mal. Et si elle est occupée par le mal, elle s'écartera du bien. Ainsi, si on te cause du tort et que tu cherches à te venger, cela va te détourner du bien et de ce qui t'est profitable pour ton au-delà. Cela va te détourner de la mémorisation du Coran, de son étude, de l'étude de la science et autres. Ceci est bien connu. Lorsqu'il y a des troubles, et que les gens donnent beaucoup d'importance à ces troubles et cherchent à se venger de ceux qui leur ont fait du tort, ils sont tellement préoccupés qu'ils vont délaisser ce qui leur est profitable. Ils vont délaisser l'étude de la science, les œuvres surérogatoires et autres. Ainsi, ils seront touchés par plusieurs calamités. La première, le mal qu'on leur a causé. La deuxième, le délaissement de certaines bonnes œuvres. Et dans certains cas, ils vont même tomber dans l'interdit, car ils vont tout faire pour causer du tort à celui qui leur a fait du tort, quitte à mentir, médire ou autre. Prenons l'exemple de certaines femmes qui, lorsque leur mari leur a causé du tort, vont tout faire pour lui causer du tort en le dénigrant auprès de ses proches et en salissant sa réputation. Ces femmes sont souvent touchées par les trois calamités que nous avons mentionnées précédemment. Premièrement, le fait que leur mari leur a causé du tort. Deuxièmement, elles seront parfois tellement occupées à vouloir se venger et à salir l'honneur de leur mari en passant des heures au téléphone pour exprimer leur ressentiment qu'elles vont délaisser certaines bonnes actions qu'elles avaient l'habitude d'accomplir. Troisièmement, elles vont tomber dans l'interdit, tel que la médisance, la calomnie et le fait de dévoiler certains péchés du mari. Au contraire, de celui ou celle qui pardonne. Son cœur sera sain et apaisé. Il continuera à faire ce qui lui est profitable. Et dans le cas où il a du mal à s'apaiser, il fera différentes causes religieuses pour y arriver. Il invoquera son Seigneur pour qu'il l'apaise, écoutera des rappels, se rappellera l'au-delà et de ses épreuves. Ceci est sans aucun doute un bénéfice de pardonner à celui qui nous a fait du tort et de ne pas donner trop d'importance à cela. Ensuite, il dit, rahmahullah, la huitième, que sa vengeance et son désir de récupération et de victoire personnelle sont un désir de vengeance personnelle. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Si cela est le cas de la meilleure et la plus noble des créatures d'Allah, qu'il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, alors que les préjudices à son encontre sont des préjudices à l'encontre d'Allah, et que les droits de la religion sont liés à lui, et qu'il est la plus noble et la plus pure et pieuse des âmes, la plus éloignée de tout comportement blâmable et la plus en droit de tout beau comportement. Comment donc l'un d'entre nous pourrait-il chercher à venger sa propre personne alors qu'il est le plus savant de sa propre personne et de ses défauts et maux? Mais de plus, celui qui a de la connaissance sait que sa personne ne mérite pas qu'il la venge et qu'elle ne vaut pas pour lui qu'il cherche à la rendre victorieuse. Dans le Coran, Allah Azzawajal a mentionné les nombreux préjudices que les mécréants ont causés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont proféré de nombreuses accusations à son encontre. Ils l'ont accusé d'être un poète et un devin. Allah dit à ce sujet: Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raib al-manun. Ils disent plutôt: c'est un poète, attendons pour lui les vicissitudes de la mort. Il dit également: Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez pas. Ce n'est point non plus la parole d'un devin. Et dans la sunna, on trouve les actions que les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont faites pour lui causer du tort. On l'expulsa de son pays. Il fut boycotté dans la vallée durant 3 ans et se cacha dans une grotte. Son peuple le suivit et le combattit. Les hypocrites complotèrent contre lui et il fut empoisonné et ensorcelé. Malgré cela, il disait: j'ai été effrayé en Allah comme personne ne l'a été. Et on m'a fait du tort en Allah comme on ne l'a fait à personne. Malgré ce qu'il a subi comme calamité et autres, il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne et n'a jamais répondu au mal par le mal. Il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait répondu à l'une des paroles que les mécréants ont proférées à son encontre, qu'Allah azza wa jal a cité dans le Coran. Allah s'est chargé de répondre à toutes ces paroles, et cela est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Noun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Noun, par la plume et ce que les hommes écrivent, de par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé. Il dit également Azza wa Jal: Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Yasin, par le Coran parfait, tu es du nombre des messagers sur une voie droite. Ainsi, le croyant doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne doit pas se venger pour sa propre personne. Il doit plutôt être miséricordieux envers les gens. Wallahu al-musta'an wa alayhi التوكلان.